Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, quelles sont les règles de remboursement applicables au trajet domicile-travail ? Pour la majorité des salariés, se rendre sur leur lieu de travail représente un coût. Qu'il s'agisse des frais de transport, de frais d'essence, l'employeur doit, dans certains cas, obligatoirement prendre en charge une partie de ses frais. La prise en charge de ces frais qui constituent des éléments variables de paye peut également s'appliquer lorsque le trajet du salarié pour se rendre au travail est inhabituel. Ainsi, le remboursement de ces trajets répond donc à des règles précises que nous allons voir. Alors, comment s'effectue la prise en charge des frais pour le trajet domicile-travail ? L'employeur doit prendre en charge certains frais engagés par les salariés pour se rendre au travail. Cependant, il faut distinguer la prise en charge obligatoire de celle facultative. Concernant les frais de transport public, la prise en charge de ces frais pour le trajet domicile-travail par l'employeur est obligatoire. Cette participation se fait sous la forme d'un remboursement qui ne concerne pas uniquement le trajet domicile-travail, mais dont la base est calculée sur la totalité de l'abonnement des frais de transport public du salarié. L'employeur doit rembourser les abonnements pour le trajet qui ont été souscrits pour le métro, le train, le bus, le train de moyenne ou bien encore le vélo en location publique. Il faut savoir que l'employeur n'a pas à prendre en charge les types de transport achetés à l'unité. Seuls les abonnements sont concernés par le remboursement. L'employeur a donc l'obligation de participer à 50% aux frais de transport des salariés pour se rendre sur leur lieu de travail, quel que soit le type de contrat de travail, la durée du travail ou le type d'abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel. En revanche, lorsque le salarié travaille moins qu'un mi-temps, l'indemnisation des frais de transport se fait au prorata du nombre d'heures effectuées par le salarié. Ainsi, pour se faire rembourser son type de transport pour ce trajet, le salarié devra fournir un justificatif d'abonnement indiquant notamment le prix payé et la période concernée. Enfin, le remboursement de l'abonnement pour ce trajet doit apparaître sur le bulletin de paie. Qu'en est-il, en revanche, des frais d'essence ? Les frais d'essence peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'employeur, mais ce n'est pas une obligation. Ce remboursement peut se faire sous la forme d'une indemnité kilométrique ou bien d'une prime de transport. Les conditions d'octroi de cette indemnité pour le trajet domicile-travail en voiture sont les mêmes pour ces deux modes de remboursement. Toutefois, les règles relatives au versement et à l'exonération des cotisations sociales ne sont pas les mêmes pour l'employeur. La prise en charge de ces frais concerne tout ou partie des frais de carburant, bien entendu, et tout ou partie des frais relatifs à l'alimentation de véhicules qui soient électriques, hybrides, rechargeables ou hydrogènes. Contrairement au remboursement des frais de transport public, la prise en charge des frais pour ce type de trajet en voiture ne concerne que le trajet domicile-travail et bien entendu pas les trajets personnels. Pour que l'employeur effectue ce remboursement, il faut que le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge de ces frais soient prévus par un accord d'entreprise. Il faut également que le salarié utilise son véhicule personnel. Et il faut que tous les salariés remplissant les conditions en bénéficient et selon les mêmes modalités. Alors, dans quel cas les salariés peuvent bénéficier de ce remboursement ? Eh bien, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur. Ou bien encore lorsque l'utilisation de leur véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaire de travail particulier ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Il faut savoir que le versement d'une indemnité forfaitaire kilométrique est cumulable avec le versement d'une prime de transport. Alors, comment se formalise le remboursement de ces frais d'essence ? Comme je l'ai dit, ce peut être sous la forme d'une indemnité kilométrique. Ici, le remboursement des frais pour le trajet domicile-travail se fait en fonction d'un barème fixé par l'administration fiscale. Ainsi, l'indemnité est une indemnité versée aux salariés en fonction de ses frais réels engagés. Ce peut être également sous la forme d'une prime de transport. Dans ce cas, le remboursement des frais par l'employeur se fait sous la forme d'une somme forfaitaire versée aux salariés, et cela quel que soit le nombre de kilomètres effectués pour le trajet domicile-travail. Dans le cadre du versement de cette prime de transport, l'employeur doit être en mesure de justifier du respect des conditions de prise en charge par le salarié à distance et les horaires de travail, et doit présenter, bien entendu, une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule personnel du salarié. Enfin, une dernière précision concerne lorsque le lieu de travail est inhabituel. Comment s'effectue donc la prise en charge ? Lorsque le salarié effectue un temps de trajet domicile-travail vers un lieu de travail inhabituel, le salarié peut bénéficier d'une contrepartie sous forme d'un repos ou alors sous forme d'une contrepartie financière. Cela est valable pour le temps anormal de trajet entre le domicile et le lieu inhabituel de travail. La compensation ne concerne que la part qui excède le temps normal de trajet domicile-travail. Un exemple, le salarié effectue habituellement un trajet domicile-travail de 45 minutes. Dans ce cas, il doit se rendre sur un autre lieu de travail pour une journée. Le trajet entre son domicile et ce lieu de travail lui prend 3 heures. Il doit donc bénéficier d'un repos compensateur ou d'une contrepartie financière pour les 2h15 de temps de trajet anormal. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.